Sí. Allez, j'y vais. Que le refrain, j'arrive à le faire. Donc là. Revivre au fond de la terre. sais pas. Elle a oublié un truc. Des gens pressés par la mort. Qui décide de leur sort. Sur le site de Monsieur Villoba et tu la tues. Allez pour toi. Mais bon, avec une batterie normalement ça se fait. C'est ça les accords. Attends, après il y en avait une autre. C'est quoi? Alors attends. Le tourbillon. Le tourbillon, il n'y a pas les paroles? Ah non, il n'y a pas les paroles, merde. Il n'y a pas les accords. Et une chanson, une autre chanson. Attention, alors ça s'appelle... Non, parlons plus. Les accords, c'est... Attends, il faudrait un métronome, là. Il faudrait un truc... C'est ça. C'est mon copain qui les a notés. J'espère qu'il s'est pas trompé. Voici les accords. Là, là, ça les a fait un peu. Alors ça fait ça. J'essaie de pas me tromper. Alors la rythmique, ça fait ça. Je partirai au début. Thank you. comme un bébé. 8 heures faciles sans se réveiller. Et je crois même que j'avais rêvé d'un paradis ensoleillé. Je me suis levé bien décidé à prendre la vie du bon côté. Un petit déj, un bon café, 2-3 croissants, c'était le pied. Mais soudain la porte s'est ouverte, j'ai aperçu ton regard froid. J'ai bien senti l'ambiance changer quand tu m'as dit baisse la télé. Ok, alors maintenant le refrain. Le refrain. Voici le refrain. Le refrain, c'est pareil. Tu m'as pourri ma journée. Allez. Ah, j'arrive pas à jouer. Ça fait. T'as n'a pas pourri ma journée. Ouais, c'est exactement ça, Philippe. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, c'est parfait. Allez, on fait le refrain. Alors.